Toujours à l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, la succursale allemande de l'Association d'amitié avec la Corée et l'Association nigériane d'amitié avec la Corée ont publié chacune une déclaration. En indiquant que l'humanité progressiste exalte vivement les immortels exploits de son excellence Kim Jong-il accomplis pour la révolution coréenne et la cause d'émancipation du monde, les déclarations ont affirmé que ces exploits de toute la vie brilleront pour toujours comme la plus noble héritage garantissant le progrès victorieux de l'œuvre d'émancipation de l'humanité.